Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons grâce et gloire parce qu'il nous a manifesté son amour en Jésus-Christ, le Dieu véritable à la vie éternelle, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui nous a scellé du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, qui nous amène aujourd'hui à nous intéresser à un sujet que beaucoup de frères, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants esquivent beaucoup, un sujet que les frères dans le Seigneur Jésus-Christ évitent très souvent d'aborder, d'écouter, à savoir les deux postérités de Genèse 3, la semence du serpent. Voilà pourquoi le Seigneur, voulant que sa parole entière soit dévoilée, a suscité des personnes dans le monde entier, en l'occurrence notre bien-aimé le frère Junior, a venu nous apporter un éclairage là-dessus. Comme il a si bien fait dans les deux premières vidéos, en parlant des deux postérités, en parlant des arbres, nous allons encore laisser notre frère Junior, notre bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, à nous amener dans les Écritures et nous faisons confiance au Saint-Esprit dont il est scellé. Frère Junior, que le Seigneur te bénisse. À toi la parole. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé frère. Que le Seigneur bénisse tous les frères et sœurs dans le monde entier, dans quelque lieu que ce soit, tous ceux qui vont écouter encore cette partie de cette vidéo. Je remercie le Seigneur qui a permis que nous soyons encore unis ensemble aujourd'hui. Je sais que dans les deux premières parties, vous avez suivi des choses et que vous en voudrez davantage. Comptons sur le Seigneur pour cela. Bien-aimé, à chaque chose, à chaque fois que des choses semblent nouvelles pour nous, mais s'il vous plaît, n'essayons pas de fuir la chose, n'essayons pas de fuir, prenez toujours et examinez. Nous savons très bien citer à chapitre 17, verset 11, les chrétiens de Bérée, ils examinent. Il faut examiner, examiner à la manière de Dieu. On n'examine pas avec les lunettes de notre groupe, on n'examine pas avec les lunettes de notre groupe, avec des préjugés. Avec des préjugés, le Saint-Esprit ne viendra pas révéler la chose. Voilà pourquoi la Bible a dit que les révélations du Seigneur sont pour ceux qui sont simples. Dans le psaume, il dit quoi? Et la révélation de ta parole est claire. Et vous remarquez très bien que cette révélation vient pour éclairer les choses, comme on va voir. Ne vous inquiétez pas, au sortir de cet enseignement, d'autres enseignements vont en découler, donc c'est en connexion avec, comme je l'ai dit déjà précédemment, je vous avais dit qu'il y a des enseignements dans la Bible que les gens enseignent aujourd'hui. Certaines personnes prennent partie avec d'autres enseignements par rapport à d'autres groupes, uniquement parce qu'il y a une pièce de puzzle qui manque. Après avoir expliqué cette semence de serpent, l'origine et ainsi de suite, vous allez voir pourquoi c'est important pour le corps de Christ, parce que les gens disent que ce n'est pas salutaire. C'est vrai, ce n'est pas salutaire, mais c'est nécessaire. Et je vais encore corriger une chose que mon frère bien-aimé a dit. Il a dit que j'ai dit ceci sur la télévision, que j'ai dit que pour moi, la vie chrétienne commence par là. Remarquez, très bien, si vous suivez encore, recevez encore ce matin, jamais ça ne nous pas. J'ai dit que de la Genèse à l'Apocalypse, vous pouvez remarquer très bien que de Matthieu à l'Apocalypse, l'évangile se trouve dans Genèse. Et je vais vous montrer, je vais vous prendre un exemple qui se mal entier comme ça. Si vous regardez, je vous ai parlé de l'immuabilité de Dieu, la façon d'agir. Quand il a immolé un animal, le premier acte devient humain. Dieu montre par ce premier acte-là que désormais c'est un innocent qui va mourir pour verser son sang pour le coupable directement. Et au fur et à mesure, il va, dans la progression de la voie de Dieu, il va révéler la même chose sans changer le plan initial. Le plan initial ne change pas, il ajoute seulement des révélations davantage, plus de lumière, afin qu'on perçoive la chose. Et lorsqu'on arrive à l'agneau immolé, l'agneau parfait, Jésus-Christ notre Seigneur, on voit la chose totalement accomplie en lui. De la même façon, si vous prenez Abel, vous allez voir très bien que, et comme on va voir par rapport à la postérité ici, vous remarquez très bien que Abel est tué directement, il ressuscite. Comme j'ai dit comme ça pour que le frère Jean et les autres puissent comprendre, parce que il suffit de comprendre la manière de Dieu. Voici Abel qui meurt, Dieu ressuscite la même semence par sept. Donc, ça montre clairement que la personne qui va mourir innocemment va ressusciter. Donc, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus est prêchée dans la Genèse. C'est dans ce sens-là, peut-être que vous ne comprenez pas mon langage. Peut-être c'est difficile, peut-être que je parle, je m'adresse de façon dure, je ne sais pas comment puisse m'adresser autrement. Quand j'ai dit que tout l'évangile se trouve dans la Genèse, et je peux aller dans la Genèse vous montrer que, je peux vous montrer bien aimé dans la prédication que Dieu a parlé de la prédication de Jésus-Christ dans le chapitre 1. Frère Massia, est-ce que tu es au courant de cela? Le chapitre 1 de Genèse, il en a parlé de la prédication de la croix. Chapitre 1, si tu me montres le verset, ça va m'éclairer. Oui. Donc je crois que les bien-aimés seront éclairés. J'ai dit, il va prendre cet exemple ce moment, avant qu'on entre dans le détail de l'enseignement qu'on va faire, pour que les gens comprennent ce qu'il veut dire. Un exemple clair. Prenons Genèse chapitre 1, frère. Genèse chapitre 1. Oui. Oui, sans se détourner de disons, sans se détourner de disons, non, non, pas le sujet. Non, ne détournons pas le sujet. Puis, on va mettre les choses au clair. Genèse chapitre 1, verset 3 et 4. Genèse chapitre 1, verset 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ok, maintenant, frère, prenons maintenant 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Oui. Lisons au verset 3 et à 4 encore, 3 et 4 aussi. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Maintenant, lis le verset 6 près, le verset 6 maintenant. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Or, l'apôtre Paul, notre frère Paul, cite comme ça Genèse chapitre 1 que nous avons lu là. Il dit Dieu qui a dit que la lumière brillera. Si vous regardez le temps qu'il a utilisé ici, Dieu a tout simplement dit dans ce Genèse 1 là que la lumière soit. Dieu vit que la lumière était bonne. Or, maintenant, l'apôtre Paul utilise, poussé par le Saint-Esprit, écrit ici que Dieu a dit que la lumière brillera. Vous remarquez? Dans Genèse chapitre 1, dans la lumière et les ténèbres, Dieu voulait dire que, quel qu'en soit le temps que les ténèbres vont mettre dans le cœur des gens, Christ va venir resplendir dans leur cœur. C'est exactement Genèse chapitre 1 là. Donc, c'est justement pour dire aux bien-aimés que le langage biblique, nous ne devons pas lire les choses à la manière littérale. C'est pas comme ça. Il faut comprendre le langage de Dieu. Il n'a donc plus à ce Dieu donc de cacher les choses dans la Genèse et de révéler à qui il le veut. Toute la Genèse, si vous avez seulement toute cette. Prenons un exemple pour vous sécher. Avant que les évangiles soient mis en exergue, les apôtres et prophètes et les premiers apôtres avant nous enseignaient avec l'Ancien Testament en prouvant que Jésus était le Christ. Or, nous avons la totalité aujourd'hui. Ils parviennent à prouver. Vous voyez cela? Donc, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, la Torah, la Torah particulièrement, on peut voir toutes ces choses-là de même développer. Mais le problème, c'est que c'est caché avec des mots de Dieu. Il faut comprendre. Donc c'est ainsi, donc, avec c'est le thème de la postérité. Dans la première partie de la Bible, nous avons mis au point le fait qu'il existe deux limites clairement données dans la Bible. Parce que les gens qui ne pouvaient pas entendre, ils disent qu'ils ne pouvaient pas entendre parler ces choses. La Bible, nous avons vu au courant des Écritures qu'il existait deux postérités distinctement. Et nous avons lu pour cela Genèse chapitre 3, verset 15, où il parle des deux postérités, postérité de la femme et du serpent. C'était établi, et nous avons vu que Jésus en a parlé, Jean-Baptiste en a parlé. Alors maintenant, nous avons vu par la suite, et c'est là où la deuxième vidéo s'est arrêtée. Nous avons parlé des arbres. Et le Christ, le Saint-Esprit nous a conduit dans l'Écriture à montrer que, et je le redis encore ici, pour ceux qui venaient de nous suivre, si vous n'avez pas suivi, en voler la première vidéo, nous avons établi, le Saint-Esprit nous a montré dans la Bible que lorsque le thème, le titre, ou bien l'appellation arbre est utilisée de façon imagée, de façon typifiée, de façon prophétique dans la Bible, ça fait référence aux hommes, ou bien aux personnes. Aux personnes. Donc, on a pu établir avec Daniel, chapitre 4, où Daniel a vu un songe. On a vu que Daniel m'a donné le rêve en disant que Daniel, maintenant vous connaissez ça, ce songe-là, l'arbre c'est toi. On en a vu beaucoup. Et frère Patrick, mes frères me manquent tellement que à tout bout de chemin, hein, je cite seulement le nom. Donc, frère Martial, on s'est arrêté là-bas et on va progresser aujourd'hui dans l'optique de toucher maintenant ce que les gens attendent particulièrement. Permets-moi de lire Juge chapitre. Voilà, c'est ça que ça prend. Juge chapitre 9 à partir du verset 7, toujours pour démontrer que quand la Bible parle des arbres, il s'agit ici des hommes. Oui, Juge chapitre 9, verset 7. Juge 7 à 15. Je t'en fus informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Gazirim, de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ici, il s'agit des arbres qui partent oindre un roi. Donc, est-ce que les arbres peuvent se déplacer pour aller oindre un roi? C'est la question que nous devons nous poser. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partis pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller placer sur les, pour aller planer sur les arbres? Et les arbres disent au figuier, viens, toi règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douleur, à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres disent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres disent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cerfs du Liban. Amen. Amen. Amen. Donc, frère, je crois que par ta bouche également, le Saint-Esprit peut permettre, tu peux permettre pour que tu aies ta bouche, que le Saint-Esprit puisse dire au frère dans le monde entier maintenant que dans ce passage-ci, ici, sans faire d'intervention particulière, il est clairement dit ici que les types ici, ce sont des hommes. Donc, frère, est-ce que tu peux parler un instant pour que mes frères puissent t'écouter aussi? Oui, c'est tout. Qu'est-ce que toi tu reçois de cette lecture aussi? Je reçois qu'ici, les arbres sont typifiés ici par les hommes. Parce que si je prends par exemple le verset 9, Juges 9, verset 9, mais l'olivier leur répondit. Nous savons bien que l'olivier, c'est un arbre. Et comment un arbre peut répondre à un autre arbre? Donc nous voyons là que c'est. Et les arbres ne peuvent parler où est un roi. Les arbres partis, Juges chapitre 9, verset 8, les arbres partis pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Voilà. Mais tu vois très bien que si les gens nous taxent du fait qu'on n'a pas vraiment dans les écritures, on veut donner les interprétations dans les écritures, ce sera mal comprendre la façon dont Dieu parle. Où est-ce la fait? On n'interprète pas les écritures, les écritures s'interprètent elles-mêmes. Le Saint-Esprit vient donner l'explication à son écriture. Et l'explication de l'écriture par le Saint-Esprit ne contredira nullement aucun autre verset. Maintenant, si quelqu'un lit ce genre de verset et qu'il dit qu'il faut qu'il lise avec le roman, de façon romanesque, alors cette personne aura des problèmes parce que les arbres n'ont pas des rois. Donc il passera, il faut lire ça d'une autre façon. Donc, bien aimé, dans le monde entier, lorsque les choses sont parlées de façon imagée, il faut prêter attention. Donc, ouvrons nos cœurs maintenant, afin que nous suivions la direction du Seigneur. Donc maintenant, voilà donc les arbres, c'est établi que les arbres suivent un procédure dans la Bible, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont utilisés de façon imagée, il s'agit des hommes ou bien des. On en a vu dans Marc chapitre 8, verset 22 à 26 la dernière fois, par rapport à cet aveugle-là que Jésus a ressuscité, il a dit je vois les hommes comme des arbres. On a vu. Ézéchiel 28 et 31, qu'on va revenir parce que ça va toucher cela, on va toucher cela maintenant. Maintenant. Il y a deux arbres qui vont nous intéresser maintenant, donc il faut que nous plantions encore le décor maintenant avant d'entrer dans le rapport sexuel. Parce que c'est certain que le dénouement, c'est, on attend de voir comment il va parvenir à nous montrer que c'est le rapport sexuel. N'essayez pas. Priez seulement le Seigneur pour moi. Priez pour moi. Le temps que le Seigneur puisse déballer cela. Seigneur, je compte vraiment sur toi. Amen. Maintenant, après, les deux arbres du jardin, il faut qu'on les identifie. Parce que voici l'autre pièce de puzzle. Si on parvient à identifier les deux arbres principaux qui étaient dans le jardin, la chose est réglée. Allons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Oui, frère. Genèse chapitre 2. Bien aimé à la maison, prenez Genèse chapitre 2. On va lire le verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Oui. Agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, les arbres, le verset 9 se subdivise en deux parties. Si vous voulez bien me suivre, moi attentivement. Le verset 9 se subdivise en deux parties. Remarquez très bien que la première partie, la partie A, dit déjà que Dieu a fait pousser du sol tous les arbres. La Bible a dit tout. Ça veut dire que les arbres qui contenaient déjà des fruits, qui ont poussé du sol, étaient déjà là. Les oliviers, les manguiers, les goyaviers. Oui, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Maintenant, le verset 2, là où Dieu cache des choses, mieux Dieu cache des choses, Dieu cache. Le deuxième volet ne dit pas que l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance vient en pousser. Remarquez très bien. Frère bien-aimé, s'il te plaît, lisons doucement pour que les gens puissent appréhender ce que je viens de dire. Le verset 9 encore. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre voilà. De la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, frère, Dieu ne nous a pas dit ici qu'il a fait pousser. Écoutez bien, je veux que vous compreniez. Dans ce verset, Dieu a parlé de deux choses. L'un est au sens propre, l'autre est au sens figuré. Et Dieu les a cachés ici. Gloire à notre Dieu. Quel Dieu nous avons à servir. Amen. Gloire au Dieu des révélations. Donc, la première partie, il fait pousser des arbres. Et là-bas, effectivement, ce sont des arbres fruitiers. La deuxième partie, il s'agit d'un style d'arbre qui n'est pas dit qu'il a été fait pousser. Remarquez que les deux arbres n'ont pas été poussés. Ils sont seulement au milieu du jardin. Au milieu du jardin, il dit que et l'arbre de vie est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien au milieu du jardin. On n'a pas dit qu'il a été fait pousser. Maintenant, frère, je crois que je vais aller de cette façon aussi. On va essayer d'analyser. On va aller progressivement analyser, en posant des questions, en répondant. Et je crois que ça va éclairer les gens. D'abord, pour la gouverne de notre frère, de notre bien-aimé, l'arbre de vie déjà, est mentionné trois fois dans la Genèse. Et la prochaine fois que ça apparaît dans la Bible, c'est dans l'Apocalypse. Ça apparaît également trois fois. Vous pouvez prendre ça dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Non, mais ce n'est pas pour lire, c'est pour que les gens puissent passer oui. Dans le monde. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Dans Apocalypse 22, ça apparaît deux fois. Donc, à partir du verset 1 et verset 2. Et puis au verset 18. Donc, Apocalypse, j'ai fait doucement. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Et là où il dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie, dans le jardin de mon père. Donc, vous vous souvenez de ce verset-là. Maintenant, dans trois fois dans Genèse, ça apparaît. Regardez bien, c'est terrible, c'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux de voir ces choses se dérouler. D'Apocalypse, dans Genèse, le livre du commencement, ça apparaît trois fois. Dans le livre de la fin, ça apparaît trois fois. Entre les milieux, entre Genèse et Apocalypse, on ne trouve plus l'arbre de vie nulle part. Pourtant, frère, ça se trouve au milieu. Mais plus avec l'appellation de l'arbre de vie. Et c'est ça qu'on va examiner dans les Écritures là maintenant. La première chose, et c'est dommage vraiment qu'on ne soit pas en direct pour que les frères puissent interagir, c'est-à-dire poser des questions ou bien essayer de répondre à ces questions. Mais je crois que frère, toi et moi, nous sommes des frères et nous nous représentons entre nous dans le corps. Amen. Donc, nous devons faire la chose de façon transparente. Je vais poser la question, tu vas essayer de bien répondre pour que ça soit comme si des gens qui se poseraient cette question-là, pour que des gens puissent appréhender. Amen. On appelle cet arbre-là l'arbre de vie. Maintenant, à supposer, parce que le fait que je dis que Dieu n'a pas fait pousser cet arbre-là, quelqu'un pourrait me dire que l'une ne le dit. La personne peut avoir raison dans ce cas-là. Mais je vais reposer cette question aussi pour éclairer la lanterne. C'est que si cet arbre-là produit les fruits dont en mangeant on a la vie, alors l'arbre a eu un commencement, n'est-ce pas, frère? Amen. Alors maintenant, est-ce que la vie, elle, a un commencement? Est-ce que la vie éternelle, par exemple, a un commencement? Non. Donc, dans ce cas, ce serait un non-sens de penser que Dieu a planté un arbre à partir duquel l'homme aura la vie. Puisque la vie qui est venue en Adam n'est pas sortie de cet arbre-là. C'est-à-dire que si cet arbre-là a poussé, Adam n'a pas mangé de cet arbre-là pour avoir la vie qu'il a. On se comprend là, frère? Oui. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas deux vies. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et cette vie-là, c'est Dieu qui la possède parce qu'il est éternel. N'est-ce pas, frère? Amen. Amen. Ok. Donc maintenant, s'il n'y a pas donc deux vies, voici là où on arrive. S'il n'y a pas donc deux vies, et qu'il n'y a qu'une seule vie, et que cette vie-là est éternelle, ça suppose que ça n'a pas eu un commencement, et que cet arbre-là, qui est l'arbre de vie, et si c'était un arbre physique, alors il y aura un non-sens, une contradiction claire ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas de commencement, qui se trouve dans quelque chose qui a le commencement, qui est l'arbre qui a poussé. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas, frère bien-aimé? Ça n'a pas de sens. Donc on va regarder dans la Bible qui c'est cet arbre. Gardez-vous à l'esprit pour bien aimer frères et sœurs dans le monde entier qu'on a montré que lorsque c'est utilisé de façon imagée, alors il s'agit des hommes. Il s'agit des hommes ou bien des personnes. Donc justement, je voulais montrer dans cette démonstration pour montrer que vous prouvez que l'arbre n'est pas utilisé, l'arbre de vie n'est pas utilisé au sens physique, au sens propre, comme par exemple un mango ou un papaye. Si je parviens à vous montrer cela, alors l'implication c'est que si on peut vous montrer que c'est imagé, c'est la façon imagée, alors il faut qu'on trouve l'image à laquelle ça correspond. C'est ça qu'il veut faire. Donc, nous venons d'établir que cet arbre-là ne peut pas avoir poussé parce que ça apporte la vie. Si ça porte la vie, alors cet arbre a été touché et qui est là. Donc ça n'a pas poussé. Parce que ça porte la vie. Amen. Autre chose maintenant, c'est que si on mangeait ces fruits-là avant d'avoir la vie, alors, et nous avons la vie éternelle aujourd'hui, frère. Toi et moi, nous avons la vie éternelle, n'est-ce Amen. Pas, frère? Amen. Sans avoir consommé, sans avoir mangé un fruit, n'est-ce pas, frère? Amen. Et nous avons vu qu'il n'y a pas deux vies éternelles. Donc, la vie éternelle, donc une seule personne la possède, n'est-ce pas, frère? Les gens ont déjà la réponse. Je sais que les gens sont assez intelligents pour avoir la réponse. Amen. Donc, la deuxième chose, c'est que je glisse quelque chose, quelque part sur l'arbre de la connaissance. On va y revenir en profondeur. Je vais laisser seulement sur ce questionnement-ci. Remarquez que dans la Bible, Dieu n'a pas donné la nature des fruits qui donc pour produire l'arbre de la connaissance de bon et de mauvais. Si c'est ces fruits-là que les gens mangent pour pécher, alors on a un problème là maintenant. C'est que l'humanité est en danger clair. Ça se pose dans ceci. Frère Martial et tous les autres frères dans le monde entier, si on ne connaît pas, parce que les gens ont dit que c'est des pommes, et aujourd'hui on continue à manger les pommes sans s'en inquiéter. Je vous ai établi là que quand Dieu commence à proposer un acte de redevance, l'acte est humain. Par exemple, à Sodome et à Gomorre, comme Dieu a brûlé Sodome et Gomorre à cause de l'homosexualité et de l'insalité, Dieu veut le montrer parce qu'il a fait là que tous les homosexuels, s'ils ne se répandent pas, ils iront dans les temps de Dieu. Il va les traiter de la même façon, donc l'acte ne va pas changer. Dieu ne change pas dans son caractère humain, son caractère est humain. J'espère que tout le monde me saisit. Donc, de la même façon, si l'homme a péché en mangeant une pomme dès le départ, alors chaque fois quand l'homme mangera la pomme, il devient pécheur de la même transgression. J'espère qu'on me saisit. Oui. Alors, si donc c'est la pomme que l'être humain a mangée dès le départ, il faut qu'on arrête de manger les pommes. Je sais qu'on a dû commettre les mêmes péchés que nos premiers parents ont mangé. Ce qui est un non-sens, parce que ce n'est écrit de la pomme nulle part. Voilà donc pour les pommes. Pour la pomme, c'est réglé. Maintenant, le problème, là, se situe, c'est ici. Ce n'est pas écrit la nature de ces fruits. Par exemple, dans la Genèse, ce n'est pas écrit que c'est la mangue ou bien c'est la goyave. Dans ce cas, on a deux choses l'une. Soit on continue donc à manger du fruit, tout en sachant qu'il se pourrait que dans les fruits que nous consommons, il y ait ces fruits donc là, dont nos anciens parents ont mangé. Et dans ce cas, on est coupable sans s'en rendre compte. Et donc, on sera supplié à la fin des temps du fait qu'on ait commis le même péché qu'Adam et Ève ont commis. Ce qui n'est pas le cas. Ou bien donc on admet tout simplement que ce fruit n'est pas révélé et n'est pas donné et là c'est par révélation que ça doit être donné. Et dans ce cas on se retrouve dans le contexte où nous travaillons là maintenant. Alors c'est par révélation frère que ce fruit doit venir. Alléluia. Amen. Donc je reviens donc sur l'arbre de vie. Nous avons vu que l'arbre de vie n'a pas poussé et l'arbre de la connaissance aussi n'a pas poussé. Donc ce sont les images. L'arbre de vie n'a pas poussé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas poussé. Pas poussé. Donc, c'est une façon imagée qu'on a en train d'utiliser, une façon prophétique qu'on a en train de que Dieu a en train de parler là. Donc, identifions-le dans la Bible. Et l'identification va nous conduire à un sujet. On a dit que l'arbre de vie contenait la vie. En mangeant le fruit, on a la vie. N'est-ce pas, frère? Amen. Nous allons aller dans la Bible et je crois que on peut citer des versets comme ça pour qu'on puisse continuer facilement parce que les gens connaissent les versets, mais on va lire un verset, un ou deux versets. Prenons 1 Jean, frère, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, oui. Lisons les versets 11 à 12, frère. Les versets sont 11 à 12. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. Oui. La parole de Dieu dit ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Frère, le Saint-Esprit vient de nous révéler où se trouve la vie. La vie se trouve dans quel arbre, frère? Comment ça, cet arbre s'appelle comment? Cet arbre s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, finalement, c'est établi dans les Écritures que l'arbre, c'était le Jésus. C'était Jésus. L'arbre de Genèse. C'est l'arbre de Genèse et l'arbre d'Apocalypse. Oui. Ils sont de façon imagée, c'est Jésus. Amen. Que cela ne vous scandalise pas, frère, que cela ne vous scandalise pas du fait que ça soit ainsi. C'est Jésus, le grand Dieu, dans l'Ancien Testament, YHWH, c'est Jésus-là, dans le Nouveau Testament, a plusieurs attributs, près de 800 dans la Bible. On l'appelle tantôt lit des vallées. Vous voyez cela? Narcisse des Sarons, étoile brillante du matin, lion de la tribu de Judas, ainsi que il en a tellement des attributs. L'ange de l'Alliance, le messager de l'Alliance, c'est encore lui. Vous voyez, l'ange de l'Éternel, c'est encore ses attributs. Chef de la main de l'Éternel. Chef de la main de l'Éternel. Il y en a tellement dans la Bible. Donc, ne me dites pas comment on peut appeler jusqu'à lui-même. Il a dit dans Jean chapitre 15, il a dit que je suis le cep, mon père le vigneron, vous êtes des sarments. Qu'est-ce que ça vous fait là? Vous qui lisez la Bible, qu'est-ce que ça vous fait? Il a dit tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit sera coupé. Comment? Si c'est littéral, donc, Jésus-Christ c'est le sept. Qu'est-ce que vous entendez par sept? Qu'est-ce que vous comprenez par sept? Donc, ça veut dire que c'est de façon imagée. Et remarquez très bien la relation entre le cèpe et le serment. C'est-à-dire quand c'est collé là-bas, la vie, le cèpe qui coule dans le cèpe, coule dans le serment. Voilà pourquoi on est intimement lié. Et cette même vie là, on est collé au travers de nous, parce qu'on est lié à cette arbre-là. Alléluia. Amen. Donc, l'arbre de vie, c'est Jésus, parce que c'est les façons imagées. En fait, nous avons convenu qu'il n'y a pas deux endroits où il y a la vie. La vie, c'est uniquement en Dieu. Et si cette vie se trouvait dans l'arbre, il n'y a pas deux endroits, il n'y a pas deux styles de vie, alors forcément c'est Jésus, parce que c'est lui qui a la vie éternelle. Il déclare que Dieu nous a donné, dans ce 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12, et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie se trouve dans son Fils. Alors si l'arbre-là contenait la vie, alors cette fils-là, c'est la vie, à moins que cet arbre-là, c'est son Fils. Alors, à moins que vous voulez, vous aurez un nom, vous aurez un contradiction, vous aurez un carte, vous aurez des cheveux blancs pour lui. Donc, c'est l'amour des Écritures. C'est pour ça que je vous ai dit, dans Genèse, ça se trouve trois fois. Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi Dieu n'a pas dit ça clairement? Vous ne me posez pas la question, posez cela à Dieu. Allez dans la révélation avec Dieu, demandez-lui pourquoi il a dit telle chose. Pourquoi il a dit telle chose? C'est à part à moi de vous dire. Il a plu à l'Éternel de cacher. Il a dit que les choses cachées sont pour lui, les choses révélées sont pour ses enfants, pour ceux qui lui plaisent. Alléluia. Donc, c'est lui qui cache des choses. Celui qui cache des choses, celui qui veut le révéler. S'il a décidé de cacher, il a caché. Amen. Amen. Et s'il a décidé de révéler, il a révélé. C'est lui qui a dit à Daniel que cache ces choses, tiens les secrets jusqu'à la fin des temps. Alors les gens lui diront, la connaissance augmentera. Vous allez me demander aussi que pourquoi il n'a pas révélé ça en ces temps-là. Non. Les questions de Dieu posées à Dieu, c'est qu'il a révélé, de celui qui le révélé. Amen. Amen. Donc, frère, si dans les deux arbres sont de façon imagée, et que l'arbre de vie représente Jésus, tirons la conclusion rapidement. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente qui fait? Satan, le diable. Ça règle le problème. Ça règle le problème. En fait, pour voir cela, regardons Genèse chapitre 3. Regardons Genèse chapitre 3. Je vais revenir sur le fruit et maintenant, pourquoi on passe rapidement au fruit. Genèse chapitre 3. Ils ont le verset 21 et 22. Genèse chapitre 3, verset 21 et 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Voici donc la situation. Quand l'homme a péché, on va revenir sur le péché parce que le péché va nous conduire d'abord. On va revenir dans Genèse, bien aimé, frère et soeur. On va lire le chapitre 3, là, progressivement jusqu'au verset 20, on va revoir. Mais je vais vous montrer quelque chose. Lorsque l'homme a péché, bien aimé, écoutez très bien, l'homme a péché étant dans la chair. Souvenez-vous, si vous lisez Genèse chapitre 1, verset 27-28, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Au chapitre 2, Dieu forme l'homme, c'est deux choses différentes. Donc Dieu, je dis encore frère qu'il ne me comprend pas bien, Dieu a créé l'homme à son image. Or Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit. Donc ce chapitre-là, 1 nous dit que Dieu a créé l'homme esprit. Et le verset chapitre 2 nous dit, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc ça c'est la carcasse, donc vous voyez là maintenant devant vous par exemple, Dieu a créé le corps esprit et il a fait habiter dans une chair. Alléluia. Amen. Donc, Genèse chapitre 1, c'est l'homme esprit. Genèse chapitre 2, c'est la carcasse. Et maintenant, Christ qui vient habiter, dont l'esprit vient habiter. Alors, maintenant, frère bien-aimé, sœur bien-aimée, cet homme-là, quand il est péché, remarquez très bien que l'homme n'a pas péché quand il était esprit. Parce que l'image de Dieu ne peut pas pécher. Oh, c'est merveilleux. Amen. L'homme a péché lorsqu'il est entré dans la chair. Lorsqu'on a péché dans la chair, remarquez très bien, je veux que vous saisissez, bien-aimé. Quand Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, l'homme portait les attributs de Dieu. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26. Oui, c'est écrit verset 26 que Dieu créa l'homme. C'est pas formé. Dieu crée. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Après, on dit maintenant Dieu créa l'homme à son image, n'est-ce pas? Verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Quand Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, ça veut dire que Dieu, puisque Dieu, c'est la Bible qui nous le dit, on le voit directement. Jean chapitre 4, verset 24 dit car Dieu est esprit. Dieu n'est pas la chair. Si vous me dites que l'homme charnel, c'est comme ça, c'est à l'image de Dieu, c'est pas cet homme-là. Parce que Dieu n'a pas le corps humain. Donc, mes frères bien-aimés, cet homme esprit, donc, devant le Seigneur, est entré, Dieu l'a mis dans la chair. Et c'est donc là où Dieu a placé cette chair dans le jardin. Souvenez-vous de là où nous sommes dans la région, on vit dans ce pays-là, la condition du mauvais et du bon. Lorsque l'homme a péché, frère Martial, dans ce verset 21, Dieu dit que l'homme est devenu, regardez bien, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Je vais restaurer quelque chose maintenant dont les trinités utilisent, parce qu'ils ne comprennent pas. On va revenir sur la trinité de Jésus, qui se passe à la trinité, dans un enseignement sur le Seigneur le Père. On va revenir sur ce verset-ci. Au verset 26, il dit que faisons l'homme à notre image. Les gens utilisent ce verset pour dire que voici Dieu, voici le pluriel, la trinité parle. L'honnêteté biblique voudrait qu'on sache qu'on dit ceci, que faisons l'homme à notre image, Dieu parlait à au moins une personne. D'abord, pour commencer. Il n'y a rien qui nous dit que c'est le Dieu le Père qui parle au Fils et au Saint-Esprit. Rien ne nous permet de conclure ça. Ce sont les interprétations particulières. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ça ne veut pas dire que c'est trois personnes qui viennent de parler ou viennent de parler aux deux personnes. Alors voici donc là où la contradiction vient, le non-sens arriverait. Au chapitre 3, dans le verset 21, là, il dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. Alors sinon, quelqu'un conclut que faisons l'homme à notre image, Dieu parlait au Père, ou Dieu le Père parlait au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors il faut admettre là-bas qu'il a encore dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il s'adresse encore à ce Père, le Père s'adresse encore au Fils et au Saint-Esprit. Alors, quand Dieu dit l'homme est devenu comme l'un de nous, si on admet donc que l'un de nous là, c'est soit le Père, soit le Fils, soit le Saint-Esprit, il y a un problème. Parce que le problème c'est que Dieu en train de dire que l'homme est devenu comme de l'eau quand il aspire du bien, la connaissance du bien et du mauvais. Or, lorsqu'il parle de connaissance du bien et du mauvais, il veut parler du péché. L'homme est devenu, ça suppose que l'homme porte désormais un attribut qui est parmi l'un de nous ici. Or, si ce nous-là, c'est le Saint-Esprit, vous savez que le Saint-Esprit ne peut pas pécher. Non. Si ce nous-là, c'est le Fils, vous savez que le Fils ne peut pas pécher non plus. Non. Si ce nous-là, c'est le Père, vous savez que le Père ne peut pas pécher. Alors, forcément, il fallait chercher ça de nous-là, de quelque part d'autre en dehors de ces trois-là. Alléluia. Amen. Frère Julien, je te propose que qu'on fasse d'abord, que ce soit d'abord l'un de nous-là, qu'on a cherché ça ailleurs. Et on va suivre dans la prochaine vidéo. Oui. Que le Seigneur vous bénisse, okay. Frère. Amen. Amen.